Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 17 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Roselines, c'est la combinaison des prénoms Rose et Lynn. Roselyne est une femme particulièrement secrète et réservée qui paraît très mystérieuse. Introvertie, parfois inquiète ou angoissée, elle se pose beaucoup de questions. Souvent elle se tourne vers des intérêts philosophiques, métaphysiques ou spirituels. Il est vrai que plus que tout autre, Roselyne est douée pour l'analyse et possède un certain sens critique, susceptible d'ailleurs de la faire s'intéresser également aux sciences exactes. En revanche, si elle n'emploie pas ses facultés dans des activités intellectuelles, elle sera susceptible de connaître des états dépressifs car elle est hypersensible. Élitiste, elle guide ses choix par ses affinités spirituelles ou culturelles. Elle est très éloignée de toute superficialité. Chez elle, l'amitié est sacrée. Toutefois, elle tend à être plutôt solitaire. Son personnage est hors des normes et elle en joue parfois. Elle possède une très forte intuition et a souvent des pressentiments ou des prémonitions qui peuvent lui donner des capacités médiumniques. Elle recherche à acquérir la sagesse. D'une grande timidité et émotivité, elle est mal armée devant les réalités et les difficultés de la vie. Elle fuit les affrontements et se replie sur elle-même au moindre choc. C'est sans doute aussi pour cela qu'elle se sent attirée par des mouvements qui partagent les mêmes idéaux. Dicton du jour, janvier ne veut pas voir pisser un rat. Bon, bah voilà. Célébration internationale aujourd'hui en Lettonie, c'est la fête des chevaux dans la mythologie lettonne. Et en Espagne, à Minorque, dans les îles Baléares, hein, c'est la fête de Minorque. Et dans les événements qui se sont déroulés un 17 janvier, en 1605, c'était la première publication de Don Quichotte, roman de Miguel de Cervantes. 1773, James Cook était le premier à franchir le cercle polaire antarctique. En 1929, c'était la première publication de la bande dessinée mettant en vedette Popeye, le célèbre marin. 1959, naissance de la Fédération du Mali. 1975, en France, c'était l'adoption de la loi Veil. Et enfin, en 1989, une loi donnait naissance au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Françoise Hardy et son titre « Message personnel ». Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours, et cours, jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, message personnel de Françoise Hardy sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 17 janvier 1931, naissance de James Earl Jones, acteur américain connu pour avoir prêté sa voix au célèbre Dark Vador de la saga Star Wars, ainsi qu'à Mufasa dans Le Roi Lion. Et on a pu le voir dans le film L'Exorciste 2 ou encore Un Prince à New York. 1944, naissance de Françoise Hardy, chanteuse française. 1956, naissance de Paul Young, chanteur britannique, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Every Time You Go Away. Voilà pour Paul Young. On continue les anniversaires. 1960, naissance de John Crawford, chanteur-compositeur américain qui fut membre du groupe Berlin. 1962, naissance de Jim Carrey, acteur canadien, connu pour son rôle de Ace Ventura dans Ace Ventura, détective chien et chat, et Ace Ventura en Afrique, vu dans The Mask dans le rôle de Stanley Ipkiss, alias The Mask, Dumb and Dumber, ainsi que Dumb and Dumber 2 dans le rôle de Lloyd Christmas, Batman Forever, menteur-menteur dans le rôle de Fletcher Reed, The Truman Show dans le rôle de Truman Burbank, Man on the Moon, Food Irene, Le Grinch, où il interprète Le Grinch, Bruce Tout-Puissant dans le rôle de Bruce Nolan, Monsieur Popper et ses pingouins dans le rôle de Popper, ou encore Kick-Ass 2. 1964, naissance de Michelle Obama, avocate américaine qui fut première dame des États-Unis de 2009 à 2017, qui d'ailleurs s'est engagée notamment dans des campagnes pour la lutte contre l'obésité. 1965, naissance de Daniel Johnson, John Caruso, réalisateur américain qui l'on doit les films paranoïaques L'œil du mal, Triple X Reactivated et Triple X 4 sorties prévues pour 2020. 1968, naissance de Mathilde Seigné, actrice française, vue dans Vénus Beauté Institute dans le rôle de Samantha, Palais Royal, Camping 1 et 2 dans le rôle de Sophie Gatineau, Danse avec lui dans le rôle d'Alexandra, Trois amis. En 2011, dans La guerre des boutons dans le rôle de la mère de Lebrac, vue également dans Bowling, Max, La liste de mes envies, Chacun sa vie ou encore la saison 1 de la série Sam dans le rôle de Sam, le professeur de français. 1969, naissance de Navin Andrews, acteur américain connu pour son rôle de Saïd Jara dans la série télé Lost, les disparus. C'est également l'année de naissance de Tiesto, DJ néerlandais dont on écoute tout de suite un extrait du titre Trafic, je vous promets, ça déménage. Pour Tiesto avec le titre Trafic. On continue. 1971, naissance de Sylvie Testu, actrice française, vue dans Les blessures assassines dans le rôle de Christine Papin, récompensée par le César du meilleur espoir féminin. Un moment de bonheur, stupeur et tremblement dans le rôle d'Amélie, récompensée par le César de la meilleure actrice. La Môme dans le rôle de Momon, Lucky Luke, La Rafle dans le rôle de Bella Ziegler, Sous les jupes des filles, Les visiteurs, La Révolution dans le rôle de Charlotte Robespierre. 1973, naissance de François Damiens, acteur belge, vu dans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, Taxi 4 dans le rôle de Serge, Le Petit Nicolas, L'Arnaqueur, Rien à déclarer dans le rôle de Jacques Janus, La Famille Bélier dans le rôle de Rodolphe Bélier et plus récemment dans Le Petit Spirou. 1980, naissance de Zoé Deschanel, actrice américaine, connue pour son rôle de Jessica Day dans la série télé New Girl. 1981, naissance de Thierry Asquion, ancien joueur de tennis français ayant fait carrière de 2000 à 2010, 81e mondial en 2004, 32e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland-Garros et 64e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. 1984, naissance de Calvin Harris, DJ, chanteur, compositeur, producteur britannique. 1988, naissance d'Albert Ramos Vinolas, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2007. Meilleur classement ATP, la 17e place atteinte en 2017. Quart de finaliste à Roland-Garros, 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon et 32e de finaliste à l'US Open. 1989, naissance d'Antoine Diot, basketteur français, pro depuis 2007. De 2007 à 2012, il a joué à Le Mans, de 2012 à 2013 à Paris-Levallois, de 2013 à 2015 à Strasbourg et depuis 2015, il joue à Valence. Et à noter qu'avec l'équipe de France, il est médaillé d'or au championnat d'Europe 2013 et médaillé de bronze en Coupe du Monde en 2014. En 1989, décédé Mère Denis, personnalité de la publicité française. En 2003, décédé Richard Crenna, acteur américain connu pour son rôle du colonel Samuel Trotman dans Rambo 1, 2 et 3. En 2004, décédé Noble Willingham, acteur américain connu pour son rôle de Sidney Parker dans la série télé Walker Texas Ranger. Et en 2008, on apprenait le décès de Carlos, chanteur français. Et on va tout de suite écouter un extrait, un petit extrait hein, de Big Bisou. Approchez, approchez, on va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Et... Alliez-vous au big bisou. Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Big bisou. Après, de plus près. Voilà pour l'extrait de Carlos. Allez, tout de suite, on écoute le groupe Berlin avec le titre « Take My Breath Away ». Le groupe Berlin avec le titre Take My Breath Away sur le 107FM. Il est presque 8h50, on fait un point météo. La météo. Alors, eh bien, aujourd'hui, hein, pas de secret, on passera la journée sous les nuages et la pluie qui se transformera même en averse de neige pour la soirée. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi avant que les températures ne chutent donc en soirée. Pour vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés demain matin, entre 0 et 1 degré pour demain après-midi. Samedi, soleil et nuages également, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés le matin, entre 2 et 3 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Les résultats de football de Ligue 1, Monaco et Nice ont fait match nul 1 but partout, Nîmes s'est imposé 1 but à 0 face à Nantes, Toulouse et Lyon ont fait match nul 2 partout et Saint-Etienne s'est imposé 2 à 1 face à Marseille. En Espagne, en Coupe d'Espagne, à noter que l'Atlético de Madrid a été éliminé hier soir en 8e de finale. Et en Italie, la Supercoupe d'Italie a été remportée par la Juventus de Turin, notamment grâce à Cristiano Ronaldo. Un mot de basket avec les résultats de NBA, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 18 points s'est inclinée après prolongation face à Détroit, 120 à 115. L'équipe de Boston de Yabusele qui n'a pas joué s'est imposée 117 à 108 face à Toronto. Et enfin l'Utah Jazz de Rudy Gobert, très en forme cette nuit, 23 points, 22 rebonds, s'est imposé face aux Clippers de Los Angeles, 109 à 129. Allez, un mot de tennis avec l'Open d'Australie côté féminin hier. Kerber s'est qualifié en 2-7 face à Haddad Maia, 6-2, 6-3. Sharapova qualifié en 2-7 face à Peterson, 6-2, 6-1. Kvitova qualifié en 2-7 face à Begu, 6-1, 6-3. Aujourd'hui, Svitolina s'est qualifié en 2-7 face à Kuzmova, 6-4, 6-1. Osaka s'est qualifié en 2-7 face à Sidansek, 6-2, 6-4. Pliskova s'est qualifié en 3-7 face à Brengel, 4-6, 6-1, 6-0. Kiz s'est imposé en 2-7 face à Potapova, 6-3, 6-4. Georgie qualifié en 2-7 face à Świątek. Mertens s'est qualifié en 2-7 face à Gasparian et Sevastova s'est qualifié en 3-7 face à Andreescu. En ce moment même, Alizé Cornet est en train d'affronter Venus Williams. C'est l'américaine qui a remporté le premier set 6-3. La française est en tête dans le deuxième set 4-3, mais service à suivre pour l'américaine. Dans les autres rencontres d'aujourd'hui, Alep est en train d'affronter Kenin et elle est très bien partie, elle a remporté le premier set 6-3 et mène 5-4 dans le second set. Il y aura également Serena Williams face à Eugénie Bouchard ou encore Suarez Navarro opposé à Yastremska. Côté messieurs, à noter l'élimination de Stan Wawrinka en 4-7 face à Raonic, 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Nishikori s'est qualifié en 5-7 face à Karlovic, 6-3, 7-6, 5-7, 5-7, 7-6. Herbert s'est qualifié en 4-7 face à Chung, 6-2, 1-6, 6-2, 6-4. Fonini qualifié en 3-7 face à Maier, 7-6, 6-3, 7-6. Koric s'est qualifié en 3-7 face à Fuksovic. Karenau Busta qualifié en 3-7 face à Ivashka. On a deux Français sur les cours. Gilles Simon est en train d'affronter Bolt. Le Français a remporté le premier set 6-2 avant de s'incliner dans le deuxième set 6-4. Et là, c'est Bolt qui mène 2-1 dans le troisième set. Mais service à suivre pour le Français. Et Lucas Pouille est en train d'affronter Marterer. Le Français a remporté le premier set au tie-break 7-6 et il y a 4 partout dans la seconde manche. Dans les autres rencontres, il y aura le choc entre Joe Wilfried Tsonga et Novak Djokovic, mais pas avant 10h30 heure française. Jérémy Chardy, lui, sera opposé à Alexander Zverev, donc autant dire que nos deux Français vont être mal embarqués aujourd'hui. Pour les Français, c'est tout. Il y aura également les matchs de team opposés à Popirin. Shapovalov affrontera Daniel, Medvedev sera opposé à Harrison et Goffin affrontera Kopil. Un mot de handball, messieurs, avec le mondial ce soir, la France qui affronte la Russie, avec Nicolas Karabatic qui intègre les 16 pour remplacer Cédric Sorindon qui s'est blessé mardi soir. On termine avec du biathlon et RuPolding, ça y est, c'est sûr, les sprints auront bel et bien lieu aujourd'hui. Les messieurs, c'est rendez-vous à 11h et il ne faudra pas être en retard puisque Martin Fourcade partira avec le dossard numéro 11, Simon Détieu le 18, Antonin Guigona le 24, Quentin Fillon-Maillet le 32, Emilien Jacquelin le 43, Simon Fourcade lui partira avec le dossard 81, le Vosgien Florent Claude partira avec le dossard 57 et Johannes Beu lui partira avec le dossard 51. Et côté féminin, rendez-vous à 14h30, dossard numéro 3 pour Anaïs Chevalier, le 15 pour Julia Simon, le 26 pour Anaïs Bescon, le 38 pour Justine Brezaz, dossard 70 pour Célia Aymonier. Il faudra attendre la toute fin de la course pour retrouver Caroline Colombo avec le dossard 103 sur 104.